Les éditions de l'avenir présentent Le progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 4. Fall River, Massachusetts. Un garçon de 15 ans, nommé Holland, en volant des fruits à Fall River, a reçu un coup de feu par Eleazar Waldron, le propriétaire, et a été sérieusement blessé derrière le cou et aux épaules. Waldron a été arrêté. La dévotion des 40 heures a commencé dimanche dernier à l'église du Sacré-Cœur, par la célébration d'une messe solennelle par le révérend père McCabe, assisté des révérends pères Kiernan et Quinn. Les exercices religieux se sont terminés mardi à 9h. Monseigneur Capel a donné une conférence à l'église Sainte-Marie, Newport, dimanche soir, à un nombreux auditoire. Le sujet était le premier pape, sa mission et son caractère. Il a prouvé que Saint-Pierre a été le premier pape de l'Église catholique. La compagnie des bateaux à vapeur de Fall River and Providence a décidé de construire un nouveau steamer d'une longueur de 225 pieds avec des accommodements pour environ 2000 passagers. L'été prochain, il y aura probablement deux voyages réguliers chaque semaine de Fall River à Black Island avec ce nouveau vapeur. Dimanche après-dîner, les diverses sociétés irlandaises de Fall River ont eu une assemblée pour décider l'attitude à prendre à l'encontre du Herald de cette cité, supposée être jusqu'à présent l'organe local de la population irlandaise. Il paraît qu'il a refusé de publier certains avis au sujet d'une réunion de ces sociétés le 25 du mois dernier au jardin Forest Hill, et cet acte de refus a causé de graves mécontentements. Il a été résolu d'aviser tous les membres de ces sociétés et leurs amis de retirer leur patronage à ce journal, de même qu'aux négociants qui continueraient à faire publier leurs annonces dans ces colonnes. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.